les accords, c'est... T'inquiète pas, je les ai. Ok. serait quoi dire. Alors il faudrait peut-être y penser. Aujourd'hui, je suis seul, tu vois. Bon, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas. Moi, j'adore, c'est bon, c'est sympa. Ceux qui aiment pas, on s'en fout. Tu peux pas rentrer. Il faut laisser la place à Chatonne. Chatonne. Ah mais Edo, je crois qu'on pourrait collaborer tous les deux, je pense. Ça pourrait être sympa. Pourquoi se faire chier? Un piano, une voix, et puis voilà, c'est parti après. Tu vas sur Facebook, je te filerai un message privé, mon mail, tu vois. On essaiera de faire des trucs. Sharon, enfin, tu es là. Mesdames et messieurs, Mrs. Sharon. Thank you. Sharon, qu'est-ce qui se passe? Attention. Je plane, je suis bien dans mon petit monde. On m'a souvent reproché de rêver. Je nage, je ne fais que profiter. Et comme la terre, je ne fais que ma vie errante. Moi, je m'en balance de ce que l'on pense. Je fais mon chemin, je m'en fous. Le temps qui s'écoule lentement, c'est bon de te voir près de moi. Et si tu veux, restons là lentement. Je suis bien au chaud près de toi. Moi je m'en balance de ce que l'on pense. Je fais mon chemin, je m'en fous. Du lendemain, je m'en balance de ce que l'on pense. Je fais mon chemin, je m'en fous du lendemain. Je m'en balance de ce que l'on pense. Je fais mon chemin, je m'en fous du lendemain. Moi je m'en balance de ce que l'on pense. Je fais mon chemin. Je m'en fous du lendemain. Je m'en balance de ce que l'on pense. Je fais mon chemin. Je m'en fous du lendemain. Je m'en balance de ce que l'on pense. Je fais mon chemin. Je m'en fous du lendemain. Le ciel et ses étoiles m'inspirent la. Des questions sans réponse, je le sais. Autour de moi, la vie est bien compliquée. Tous ces gens sans bonheur égarés. Lentement, c'est bon de te voir près. Le ciel, les étoiles m'inspirent la paix. Oh, c'est sympa, Edo. J'aime bien ce que tu fais. Moi, j'aime bien les petites mélodies comme ça, simple, tranquille. Bon, nous allons laisser la place aux musiciens parce que je crois qu'après ça les énerve quand on chante trop, quand on fait trop de compos et tout comme ça, il faut faire des trucs, faut calmer quoi après parce que non, parce que il y a pas longtemps on s'est fait un peu engueuler hein. Bon. Ouais, je sais, mais c'est pas grave, ils s'amusent. J'ai compris une chose sur Ninjam, c'est qu'on fait pas ce qu'on veut, c'est-à-dire que tout le monde s'amuse et voilà, après, c'est pas grave, on peut enregistrer chez nous avec notre matos, tout ça. Et... les idées, on les a, quoi, elles sont là. Après, on s'en fout. Andro, il fait sa technique, il se fait plaisir. Oui, on est enregistré, par contre, oui. Ben oui. Moi je m'en fous hein. Moi si je veux faire mes chansons, j'allume l'ordinateur et voilà. Ben honnêtement, j'ai été obligé de te couper en drôle parce que sinon j'arrivais pas à chanter. Mais après, si t'as envie de t'amuser avec ton appareil, c'est normal quoi, putain, c'est. Ninjam, c'est appartient à personne, tout le monde fait ce qu'il veut. Hein. Si t'es enregistré. Edo. Tu vas sur le site et tu vas sur le player et tu le retrouveras le morceau. Le player de Ninbot. Il y a quelqu'un qui me parle sur Facebook en même temps, alors ça m'a affiché plein d'images. Ah oui. J'ai une demande d'ami. Alors c'est un musicien. Voilà, parfait. Et ben voilà. Il plaît bien ton morceau. Enfin, ça a plu à quelqu'un, voilà. Faut que je fasse un truc, moi. En photo, ouais. Et toi aussi, Sharon, t'es en photo. Mais je préfère ta photo avec... Chaque fois que je partage un truc sur Facebook, c'est ta photo, Sharon. Mais je vais te le répéter, je sais pas si tu as entendu. Je préfère ta photo avec la petite robe rouge. Voilà. Bon, je vous écoute. Je mute un peu, je vous écoute. J'arrête de... Ouais, Sharon, fais péter la basse.